nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. N'aie pas peur des menaces que tu as reçues. Il y a quelqu'un qui t'a appelé au téléphone pour te menacer. Mais j'aimerais te dire que c'est une stratégie de l'ennemi pour te troubler. Ne sois pas troublé par ce coup de téléphone. Regarde à Jésus, il est le prince de la paix. Oui, c'est pour que tu sois distrait. En ce début d'année, tu n'as pas besoin d'être distrait. Tu n'as pas besoin de commencer par des palabres. Confie-toi en Jésus, il te donnera la victoire. Souviens-toi que Jésus est capable de calmer les vents et la tempête. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. 1 Corinthiens 15, verset 58. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Nous lisons 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voici un verset biblique, mais un verset qui est profond, un verset qui est plein de sens. Et Dieu voudrait que cette année, chacun de nous puisse s'approprier les vérités de ce verset biblique. Nous avons trois grandes recommandations d'abord ici dans ce passage. Et puis, nous avons la promesse. Première recommandation, soyez ferme. C'est Paul qui dit, soyez ferme. La fermeté dans la foi est importante. Je veux parler à quelqu'un, tu as toujours une foi chancelante. Les années passées, tantôt tu venais à l'église, tantôt tu viens au programme, à un moment donné tu te décourages, tu ne vas plus dans les programmes. Cette année, si tu veux voir la main de Dieu, sois ferme dans la foi. Est-ce que tu comprends? Sois ferme. Il faut que ta foi soit une foi solide, pas une foi qui chancelle. À un moment donné, tu t'attaches au Seigneur, à d'autres moments, et tu tombes dans le péché et tu reviens au Seigneur. Non, tu dois être ferme dans la foi. Il faut que sa foi soit solide, une foi ferme. La fermeté dans ta vie de prière, il faudrait que chaque jour, tu commences à avoir une vie de prière consistante. Quand tu te réveilles là, tu prends l'engagement de prier avec OSB. Il faut prier tous les jours. Il faut méditer la parole de Dieu tous les jours. Regarde, il y a beaucoup de programmes qui t'ont poussé à abandonner le Seigneur. Tu étais occupé, tu as commencé à suivre les gens du monde. Cette année, Dieu dit, il faut que tu sois ferme dans la foi. La fermeté veut dire la constance dans la foi. La constance même dans les combats spirituels. Est-ce que tu sais que lorsque tu deviens chrétien, tu es engagé dans un combat spirituel? Lorsque Paul écrivait aux Éphésiens, il va leur dire, soyez fermes après avoir tout surmonté. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le monde spirituel. Et dans ce combat spirituel, il faut que tu sois ferme. Je vais parler à quelqu'un, regarde ce que tu avais fait l'année passée. Après un moment de jeûne, tu as cru qu'après avoir jeûné, il faut croiser les mains. Et puis maintenant, tu as croisé les mains, tu ne priais plus. Tu vois, non? L'ennemi maintenant t'a surpris. Maintenant, tu dois être ferme. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois être prêt au combat spirituel, prêt pour le combat spirituel. La Bible nous dit, soyez ferme après avoir tout surmonté. La constance dans le combat spirituel, sachant que Satan, là, il rôde comme un lion rugissant. Est-ce que tu comprends? La fermeté par rapport au péché, tu seras toujours tenté. Les tentations seront là. La tentation de t'énerver, la tentation de voler, la tentation de tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, la tentation de te compromettre. Mais tu dois être ferme pour ne pas céder à la tentation. Voilà pourquoi Jésus disait, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Lorsque, par exemple, tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à jeûner, tu ne vas pas tenir ferme. Lorsque les tentations vont venir, tu seras séduit et emporté. Cette année, le Seigneur voudrait que tu sois ferme, que chacun soit ferme. Ferme aussi par rapport au retour de Jésus. Vous savez, le contexte d'un Corinthien ici, l'apôtre Paul parlait de la rédemption finale lorsque Jésus-Christ reviendra. Il dit que nous allons ressusciter avec lui et nos corps seront transformés. Alors, si quelqu'un comprend ces vérités, il sera ferme, il ne sera pas distrait, il va se préparer au retour glorieux de Jésus. Parce que la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça demande la fermeté. La vigilance. Deuxième recommandation. Paul dit, soyez inébranlables. Vous voyez, quelque chose qui s'ébranle, c'est quelque chose, quand il y a un problème là, ça se casse, ça s'ébranle. Il y a des gens qui s'ébranlent. C'est-à-dire, comment? Qu'est-ce qui peut ébranler la foi de quelqu'un? Il y a trois choses que je vais citer. La première chose, ce sont les épreuves. Sache que dans la vie chrétienne là, les épreuves peuvent arriver. Dieu peut te bénir aujourd'hui, Dieu peut permettre que tu sois dans l'abondance, mais l'épreuve ne manque pas. Je vais parler à un jeune couple. Vous venez de vous marier, vous n'avez même pas encore fait 2 ans, mais vous commencez à avoir des problèmes, des difficultés. Ma sœur, je vais parler à toi. Est-ce que tu m'entends? Tu viens de te marier, maintenant tu commences à avoir des chocs parce que il y a dans ta belle famille, il y a quelqu'un qui ne t'accepte pas. Vous avez connu des difficultés, des problèmes. Ça arrive. Il ne faut pas que tu remettes en doute ton mariage. Regarde comment le Seigneur vous a béni. Ça fait partie des épreuves. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Vous voyez, ce défi que tu viens de voir là, hein, c'est la première fois que tu t'es chamaillé avec ton mari. Ça te branle. Je sais que tu commences même à souffrir pendant que tu portes déjà la grossesse. Je prie pour que le Seigneur t'aide à supporter. Il ne faut pas que cela, ça te branle. Ce sont des choses qui arrivent. Le diable, il est jaloux de ton mariage parce qu'il a vu la main de Dieu. Et j'aimerais te dire que vous allez vivre encore de grandes choses. De grandes bénédictions sont précédées par des épreuves. Ne laisse pas ta foi s'ébranler. Ne laisse pas votre foyer s'ébranler. Ne laisse pas ton amour s'ébranler par ce problème-là. Est-ce que tu comprends? Oui, je veux parler à quelqu'un. Tu as perdu ton emploi. Maintenant, tu es chômeur. Oui, maintenant que tu es chômeur là, tu dois te consacrer au Seigneur. Dieu a permis ce chômage parce qu'à un moment donné, l'argent qui t'est donné là, tu commences à utiliser dans le monde, dans des choses du monde. Est-ce que tu comprends? Considère ce moment comme un moment où tu dois te remettre en cause pour que le Seigneur te restaure sur le plan spirituel, pour que tu te réengages. Et j'aimerais te dire, cette année, lorsque tu vas demeurer ferme, inébranlable, tu vas voir, Dieu va t'ouvrir les portes d'un travail beaucoup plus glorieux et tu témoigneras. Est-ce que tu comprends? Donc, les épreuves ne doivent pas t'ébranler. Souviens-toi des 3 amis de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar les a jetés parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue. Mais au sein de la fournaise, il y avait la présence divine. Et le Seigneur les a délivrés. Toi aussi, si tu places ta foi au Seigneur, il va te délivrer. Tu sortiras de cette situation. Tu ne dois pas te laisser ébranler. Souviens-toi également de Paul et Silas, en plein ministère, ils étaient jetés dans la prison. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la prison, ils ont commencé à chanter des cantiques et des louanges. Cesse de te plaindre. C'est une épreuve qui va passer. Mais après l'épreuve, il y a la gloire. Cette année, avant la fin de l'année, tu verras une gloire, une porte va s'ouvrir pour toi. Qu'est-ce qui peut ébranler encore ta foi? Ce sont les événements qui se passent dans le monde. Je parle à toi qui m'entends. Tu me suis, tu es en France. Tu es en Belgique, tu es aux États-Unis, au Canada. Tu commences à être ébranlé. Tu pensais qu'en allant dans ce pays-là, tu es en sécurité. Mais avec les problèmes d'attentat, avec l'insécurité, tu commences à te poser des questions s'il faut déménager d'un autre pays à un autre pays. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le réchauffement climatique. Il y a les grandes pandémies qui commencent à s'annoncer dans plusieurs nations. Que ces choses ne t'ébranlent pas. Parce que ça fait partie des signes de fin de temps. Est-ce que tu comprends? Ce sont des interpellations qui doivent te montrer que, qui doivent confirmer que Jésus revient bientôt. Il y aura toujours des guerres, mais le Seigneur va te protéger. La Bible nous dit que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que les événements du monde n'ébranlent pas ta foi. Celui qui assure la vraie sécurité, c'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui peut encore ébranler ta foi? Ce sont les fausses doctrines. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui sont enseignées, des doctrines bizarres parce que il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux docteurs. Alors, il ne faut pas que ces fausses doctrines ébranlent ta foi. Si réellement les enseignements que tu as reçus depuis l'école de dimanche là, si tu es enraciné dans la foi, même si quelqu'un vient te donner d'autres doctrines là, tu vas les rejeter parce que tu as le discernement. Il ne faut pas que ces fausses doctrines te branlent. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Il y a ton ami qui t'a invité dans une secte où il y a beaucoup d'interdits. On prie comme ça, on prie avec bougie, on ne fait pas ceci, il y a des aliments spéciaux. Ça c'est une secte ma sœur. Fais attention, toi tu as grandi dans le Seigneur, tu as appris les études bibliques, tu as grandi dans les camps bibliques, tu ne dois pas te laisser branler par ces choses-là. Des fausses doctrines pullulent, reste ferme, inébranlable. Troisième recommandation, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Cette année, Dieu veut que tu fasses mieux. Tu as beaucoup négligé l'œuvre de Dieu. Regarde bien, on t'a confié une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, dans l'église. Mais tu es trop négligent, ce n'est pas bon. Il faut que tu améliores l'œuvre de Dieu. C'est dans la mesure où tu prends au sérieux l'œuvre de Dieu, le ministère qu'on t'a confié, que tu verras la gloire divine, tu verras la bénédiction de Dieu. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il y a trop de médiocrité dans le travail que nous faisons. Cette année, nous devons bannir la médiocrité. Tu vas faire mieux, travailler de mieux en mieux. Oui, ceci est valable aussi même dans ce que nous faisons. Même dans le travail que nous faisons, il faut chercher à faire mieux. Il faut que nous ayons la culture de l'excellence. Faire mieux, oui. C'est-à-dire que cette année, il faut faire mieux. Il faut qu'on sache, il faut qu'on sente qu'on avance. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui t'a consacré. Je veux appeler quelqu'un. Oui, écoute-moi, jeune. Oui, tu travailles. Et tu te plains de ton papa spirituel, de ton père. Oui, je travaille, je ne vois rien. Sache que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et Paul dit, sachant que votre travail ne sera pas vain. Lorsque nous servons Dieu avec sérieux, nous nous consacrons. Au début, ça sera dur, mais la récompense est là. Le Seigneur va te récompenser. Lorsque tu prends au sérieux son œuvre, il va te bénir, il va te récompenser. Même si les hommes de ce monde ne reconnaissent pas, mais il y a une vraie récompense qui vient de Dieu. Une vraie récompense d'abord sur la terre, mais une récompense finale lorsque Jésus-Christ reviendra. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Thank you. fidélité est ronde. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix pour bénir le Dieu vivant qui nous donne ses promesses. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu vivant. Oh, sois béni, notre Dieu, toi qui renouvelles notre foi jour après jour. Nous bénissons ton nom, notre Père, toi le Dieu tout-puissant, toi qui nous rends fermes et inébranlables. Nous t'élevons en ce moment dans nos vies, toi le Dieu de notre salut, le Dieu de notre victoire. Oui, tu es celui qui nous délivre et qui nous donne la victoire sur nos méchants adversaires. Nous te louons en ce moment et nous te remercions, notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, toi qui ne peux être surpris. Nous t'élevons, Jésus, toi le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Nous t'élevons, toi qui as paru pour détruire les œuvres du diable. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, cher Saint-Esprit. Merci, ô Seigneur, pour le soutien que tu nous accordes jour après jour. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est un verset biblique, 1 Corinthiens 15, 58. Vous pouvez réécouter ce passage ou cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir trois recommandations. Première recommandation, soyez ferme. La fermeté dans la foi, la constance dans la foi, la constance par rapport au combat spirituel, par rapport aux tentations. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, préserve-moi, aide-moi à être ferme cette année, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Très excellent Père, quelle joie d'invoquer ton nom ce matin. Quelle joie de me tourner vers toi, ô Père, parce que je sais que tu réalises toujours des grandes œuvres. Tout ce que je peux faire, je ne le fais que par toi, parce que comme tu l'as dit par la bouche de l'apôtre Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est un privilège pour moi, ô Père éternel, de te louer et de te glorifier ce matin. Et je prie, ô Père, je prends cet engagement, je prends cette résolution d'être ferme dans tout ce que j'entreprends. Tu as dit aussi dans ta parole, à celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. Merci Père éternel, parce que tu me soutiens dans cette fermeté et que je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle, tout blocage à la fermeté dans ma vie, à la fermeté dans mes engagements, à la fermeté dans l'exercice de mon ministère soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que tout plan satanique, toute manipulation des puissances des ténèbres est vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Avec toi, ô Père éternel, Christ me fortifie. Avec toi, ô Père éternel, Christ me soutient par sa droite. Merci, Père éternel, pour tous les engagements que tu soutiens. Merci, Père éternel, pour toutes les résolutions que tu cautionnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ô Père éternel. Parce que tous ceux qui invoquent ton nom, tous ceux qui s'engagent dans tes voies, reçoivent la caution de ton soutien, reçoivent la caution, ô Père éternel, de ta conduite. Merci, Père. Quels que soient les obstacles, nous sommes avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième recommandation, le Seigneur dit, soyez inébranlables. Que les circonstances, les épreuves ne viennent pas ébranler ta foi. Que les événements de ce monde que tu vois ne viennent pas ébranler ta foi. Que les fausses doctrines, tu vas prier le Seigneur pour repousser toutes les circonstances qui cherchent à ébranler ta foi. Et demande au Seigneur que tu sois réellement enraciné dans la foi. Que tu tiennes ferme, quelles que soient les circonstances. Que ta foi reste solide au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, nous élevons ton nom ce matin, nous reconnaissons ton autorité, ta suprématie, ta domination, ton règne et ton amour qui est sans limite pour chacun de nous. Louange à toi parce que nous t'aimons. Gloire te soit rendue parce que tu nous dis dans Romains 8 à partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que notre foi soit inébranlable, inébranlable, inébranlable devant les vibrations négatives, devant la maladie, devant les échecs, devant la mort. Nous soyons toujours attachés à toi. Sois béni ce matin parce que tu as tout pour nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le Seigneur nous dit, travaillons de mieux en mieux dans son œuvre. Tu vas prier pour que cette année, ton ministère, ton engagement dans l'œuvre de Dieu puisse s'accroître. et que tu puisses faire mieux, que tu sais de faire l'œuvre de Dieu avec négligence, que tu puisses faire les choses avec excellence, sachant que Dieu va te récompenser. Ton travail ne sera pas vain. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre libérateur, notre rédempteur, notre Goël, notre Seigneur et Sauveur. Gloire, gloire, gloire à toi, cher Saint-Esprit, toi qui nous donnes le pouvoir, le vouloir, toi qui nous aides à accomplir les œuvres de notre Dieu. Ce matin encore, merci de nous rappeler afin que nous puissions nous attacher à ton œuvre, nous attacher à ton service. Merci parce que, Papa, tu mets par la puissance de ton esprit dans notre cœur le service, que notre service soit acceptable, que nous soyons à la brèche pour prier, pour la conversion d'une multitude, que nous soyons des hommes et des femmes qui appellent les âmes à la conversion par nos prières, par le jeûne. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous prions que chaque jour, Père, nous soyons sous l'abri de ta grâce pour invoquer ton nom, pour implorer ta grâce, pour que réellement l'œuvre de Dieu avance, pour que les serviteurs de Dieu soient en feu, que les miracles, les signes accompagnent tes serviteurs, que chaque jour, oui, selon ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, qu'une multitude se donne à toi, qu'une multitude s'ajoute à l'Église. Nous te bénissons pour ton œuvre que tu mets dans notre cœur afin de le faire. Merci et merci pour cette année 2016. Nous sommes dédiés à toi pour accomplir les merveilles de notre Dieu. Sois loué et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB, mais nous rappelons que ce dimanche, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Ne manque pas ce rendez-vous à 17h au supper. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.